Chapitre 20e. Monsieur Pascal habitait seul le rez-de-chaussée d'une maison située dans le nouveau quartier Saint-Georges et donnant sur la rue. Une entrée particulière était réservée pour la caisse du financier, gérée par un seul homme de confiance, assisté d'un jeune commis pour les écritures, monsieur Pascal continuant à faire l'escompte d'excellentes valeurs. L'entrée principale de son logis, précédée d'un vestibule, conduisait à l'antichambre et aux autres pièces. Cet appartement, sans aucun luxe, était néanmoins confortable. Un valet de chambre pour l'intérieur, un enfant de 15 ans pour les commissions, suffisaient au service de M. Pascal, cet homme ne faisant pas même excuser son immense richesse par ses magnificences fécondes, par ses larges dépenses qui alimentent le travail et l'industrie. Ce matin-là, vers 9h30, M. Pascal, vêtu d'une robe de chambre, se promenait avec agitation dans son cabinet. Sa nuit avait été une longue et fiévreuse insomnie. Un espion bien payé, ayant eu depuis 2 jours mission d'observer autant que possible ce qui se passait chez Mademoiselle Antonine, avait rapporté à M. Pascal la visite du prince au président Hubert. Cette démarche significative et prompte ne laissait au financier aucun doute sur la ruine de ses projets à l'endroit de la jeune fille. Cette cruelle déception se compliquait chez lui d'autres ressentiments. D'abord, la rage de reconnaître que malgré les millions dont il disposait, sa volonté, si opiniâtre qu'elle fût, était obligée de reculer devant des impossibilités d'autant plus poignantes qu'il s'était cru et vu sur le point de réussir. Ce n'était pas tout. S'il n'éprouvait pas d'amour pour Antonine, dans la généreuse acception du mot, il éprouvait pour cette ravissante enfant l'un de ces ardents caprices, éphémères peut-être, mais d'une extrême vivacité tant qu'il dure. Aussi avait-il fait ce raisonnement d'un féroce égoïsme. « Je veux posséder à tout prix cette petite fille. Je l'épouserai s'il le faut et quand j'en serai là, une pension de 12 ou 15 000 francs m'en débarrassera. Je suis assez riche pour me passer cette fantaisie. » Tout ceci, quoique odieux, était au point de vue de la société actuelle parfaitement possible et légal, et c'est, nous le répétons, cette possibilité même qui rendait l'insuccès si douloureux à M. Pascal. Autre chose encore, ce qu'il ressentait pour Antonine, n'étant après tout qu'une ardeur sensuelle, ne comportait pas la préférence exclusive de l'amour. Aussi, tout en désirant passionnément cette jeune fille d'une beauté virginale et candide, il n'en avait pas moins été vivement frappé de la beauté provocante de Madeleine, et par un raffinement de sensualité qui redoublait aussi sa torture, M. Pascal avait toute la nuit évoqué à son imagination enflammée le contraste de ces deux adorables créatures. À l'heure où nous le voyons chez lui, M. Pascal était encore en proie à la même obsession. « Malédiction sur moi !» se disait-il en se promenant d'un pas inégal et fébrile. « Pourquoi ai-je vu cette damnée femme blonde, aux sourcils noirs, aux yeux bleus, au teint pâle, à la physionomie hardie, à la tournure provocante ? Elle me fait paraître plus désirable encore, cette petite fille à peine éclose. Malédiction sur moi ! Ces deux figures vont-elles me poursuivre ainsi, malgré moi ? Ou plutôt, ma pensée désordonnée va-t-elle toujours ainsi les évoquer ? Misère de Dieu ! Ai-je été assez sot, assez brute ? En m'y prenant autrement, je ne sais comment, mais enfin la chose était faisable, facile, et c'est là ce qui fait ma rage. Je pouvais certainement, riche comme je le suis, épouser cette petite fille et avoir l'autre pour maîtresse, car je n'en doute pas, elle est la maîtresse de cet archiduc que Dieu confonde. Et je le défie de pouvoir lui donner autant d'argent que je lui en aurais donné moi. Oui, oui, reprit-il en serrant ses poings avec un redoublement de rage. C'est en devenir fou, fou furieux, de se dire « Je ne me demandais pas, après tout, à avoir pour maîtresse l'impératrice de Russie, ou à épouser la fille de la reine d'Angleterre, ou autre. Qu'est-ce que je voulais ? Me marier à une petite fille bourgeoise, nièce d'un vieux bonhomme de magistrat qui n'a pas le sou. Est-ce qu'il n'y a pas 100 exemples de mariage pareil ? Et je n'ai pu réussir. Et j'ai près de 30 millions de fortune. Misère de Dieu, elle me sert à grand-chose, ma fortune. » Pas même à enlever une belle maîtresse à cet automate de prince allemand. Après tout, elle ne doit l'aimer que pour son argent. Il approche de la quarantaine, il est fier comme un paon, bête comme une oie, et froid comme une glace. Je suis plus jeune que lui, pas plus laid, et s'il est archiduc, ne suis-je pas archimillionnaire? Et puis, j'ai sur lui l'avantage de l'avoir mis sous mes pieds, car cette maudite et insolente femme a entendu traiter son imbécile de prince comme un misérable. Elle lui a reproché devant moi de souffrir les humiliations que je lui imposais. Elle doit mépriser cet homme-là, et comme toutes les femmes de son espèce, avoir un faible pour un homme énergique et rude qui a mis sous ses pieds ce grand Flandrin couronné. Elle m'a impitoyablement traité devant lui, c'est vrai, mais pour le flatter. Nous connaissons ces roueries-là. Oh, si je pouvais la lui enlever, cette femme, quel triomphe, quelle vengeance, quelle consolation de mon mariage manqué. Consolation, non, car l'une de ces deux femmes ne me fait pas oublier l'autre. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais je ne me suis jamais connu une ténacité de désir pareille à celle que j'éprouve pour cette petite fille. Enfin, n'importe. Si je pouvais enlever au prince sa maîtresse, ce serait déjà la moitié de mon vouloir accompli. Et qui sait? Cette femme connaît Antonine. Elle semble avoir de l'influence sur elle. Oui, qui sait, si une fois moi, je ne pourrais pas, à force d'argent, la décider à... Misère de Dieu! S'écria Pascal, avec une explosion de joie farouche. Quel triomphe! Enlever sa femme à ce blond jouvenceau et sa belle maîtresse à cet archiduc. Quand ma fortune devrait y passer, cela sera. Et notre homme, se redressant, sembla se grandir dans une attitude d'impérieuse volonté, tandis que ses traits prenaient une expression de joie diabolique. Allons, allons, reprit-il en relevant la tête. Quoique j'en ai médit comme un sot et comme un ingrat, l'argent est une belle chose. Puis s'arrêtant pour réfléchir, il reprit, après quelques instants de silence. Voyons, du calme. Engageons bien la chose, et surtout lestement. Mon espion saura ce soir où demeure la maîtresse de l'archiduc, à moins qu'elle n'habite au palais, ce qui n'est pas probable. Une fois sa demeure connue, ajouta-t-il en se frottant le menton d'un air méditatif, une fois sa demeure connue, par Dieu, je lui dépêche cette vieille rouée de Madame Doucet, la marchande à la toilette. Seul le vieux moyen, et toujours le meilleur, pour engager la chose avec les actrices, les bourgeoises et les femmes entretenues, car après tout, la maîtresse du prince ne doit pas être autre chose. Elle est venue, tête nue, se jeter sans façon au beau milieu de notre conversation. Elle n'avait donc aucun ménagement à garder. Aussi, je ne peux pas me servir d'un intermédiaire plus convenable que la mère Doucet. Mandons-la tout de suite. M. Pascal était occupé à écrire à son bureau lorsque le valet de chambre entra. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda brusquement le financier. « Je n'ai pas sonné. »« Monsieur, c'est une dame. »« Je n'ai pas le temps. »« Monsieur, c'est qu'elle vient pour une lettre de crédit. »« Qu'elle passe à la caisse. »« Cette dame voudrait parler à monsieur. »« Impossible, qu'elle passe à la caisse. » Le valet de chambre sortit. Pascal continua d'écrire, mais au bout de quelques instants, le domestique revint. « Ça finira-t-il ? » cria M. Pascal. « Qu'est-ce encore ? Monsieur, c'est cette dame qui... »« Ah ça, mais est-ce que vous vous moquez du monde ? Je vous ai dit de l'envoyer à la caisse. » Cette dame m'a remis sa carte en me disant de prier monsieur de lire ce qu'elle venait d'écrire au bas au crayon. « Voyons, donnez, c'est insupportable !» dit Pascal en prenant la carte où il lut ce qui suit. La marquise de Miranda. Au-dessous du nom était écrit au crayon. Elle a eu l'honneur de rencontrer hier M. Pascal à l'Élysée Bourbon chez son Altesse l'archiduc Léopold. La foudre serait tombée aux pieds de M. Pascal, qu'il n'eût pas été plus stupéfié. Il ne put en croire ses yeux et relut une seconde fois la carte en se disant « La marquise de Miranda, c'est donc une marquise ?»« Bon, elle est marquise comme le Lamontès et comtesse !» Noblesse de Cotillon. Mais enfin, c'est elle. Elle ici, chez moi, au moment où je m'imaginais, a trouvé le moyen de me mettre en rapport avec elle. Ah, Pascal, mon ami Pascal, ton étoile d'or, un moment cachée, brille enfin de tout son éclat. Et c'est sous le prétexte d'une lettre de crédit qu'elle vient ici. Voyons, voyons, Pascal, mon ami, du calme. On ne retrouve pas deux fois dans sa vie une occasion pareille. Songe que si tu es habile, tu peux, du même coup de filet, prendre la maîtresse du prince et la femme de ce blond jouvenceau. Ah, mon cœur bat d'une force, je suis sûr que je suis pâle. Monsieur, qu'est-ce que je dois répondre à cette dame ? demanda le valet de chambre, étonné du silence prolongé de son maître. « Un moment, drôle, attends mes ordres !» reprit brusquement Pascal. « Allons, du calme, encore une fois, du calme » pensait-il. « L'émotion perdrait tout, paralyserait mes moyens. C'est une terrible partie à jouer. Car ayant si beau jeu, je crois, misère de Dieu, que je me brûlais la cervelle de rage si j'avais la maladresse de perdre. » Après un moment de silence, pendant lequel il parvint à dominer son agitation intérieure, Pascal se dit « Me voilà remis. Voyons l'avenir et jouons serré. » Il ajouta tout haut « Faites entrer cette dame. » Le domestique sortit et revint bientôt ouvrir la porte et annoncer « Madame la marquise de Miranda. » Madeleine, contre son habitude, était vêtue ce jour-là non plus en mère grand, ainsi que la veille elle l'avait dit au prince, mais avec une fraîche élégance qui rendait sa beauté plus irrésistible encore. Un chapeau de paille de riz à la Pamela, orné d'épis de blé mêlés de bluets, dégageait et découvrait le visage et le cou de la marquise. Une fraîche robe de mousseline blanche, aussi semée de petits bluets, dessinait les contours d'une taille incomparable, type achevé de la fine élégance, de la souplesse voluptueuse qui caractérise les créoles mexicaines, tandis que son écharpe de gaze ondulait légèrement selon les aspirations tranquilles d'un sein de marbre.